Cause Killer Track, bébé. Ça dit quoi l'ami dans les DM en plus 99? Je me fais contrôle, je prends une fixe avec les keufs. En 30 minutes, on peut prendre 5 fois la cave. Ça y est, j'en ai marre, je te fais du sale sur le côté comme Neymar. Paris, c'était que donc je descends à Seymar. Cet été, je suis pas parti donc j'ai serré. Elle est excitée alors qu'elle a ses règles. Je regarde mon pénaf, bah ouais, je désactive les notifs. Ta meuf à Smirnoff sur Snap, j'ai vu ses fesses. M'appelle pas frérot, je suis pas ton frangin. Même si t'es bon, je vais pas baisser le tarot. Doudou, je fais des sous. J'ai pas d'oseille, bah ouais, ça sent. Nous, on fait pas semblant. Je sais que tu sais que je sais. Doudou bay. Doudou, doudou bay. Doudou bay. Doudou, doudou bay. Regarde pas de travers. J'ai la tête à l'envers. Regarde dans les yeux. J'suis pompé, c'est le feu. Hola, pélo, j'suis pépélé. J'te cadenasse comme Makelele. Quand j'ai pas de sous, j'deviens fêlé. Quand j'la faillite, moi j'ai failli. Tout est dans un taudis, hier j'ai des dailles. J'ai entendu des tirs, c'était un daft bye. Bye bye, bye bye, tu donnes pas la force. 3 mois après, tu reviens me sucer en falche. Zigzag, zigzag sur le macadam. Ça fait de la livrette, ça vend dans tout Paname. Passe Panamera, tout Panamela. Y'a du monde sur le balcon à Pamela. Doudou, j'fais des sous. J'ai pas d'oseille, bah ouais, ça sent. Nous, on fait pas semblant. Je sais que tu sais que je sais. Doudou bay. Doudou, doudou bay. Doudou bay. Doudou, doudou bay. Doudou, je fais des sous. J'ai pas d'oseille, bah ouais, ça sent. Nous, on fait pas semblant. Je sais que tu sais que je sais. Doudou bay.